magique fut une onde magnifique. Il est venu dans le monde pour porter la réplique aux chansons furibondes des marchands de jouets à l'esprit maléfique. Enfant de l'univers, le temps pour lui est sans objet. En de folles arabesques, il passe et repasse à l'envers, énonçant son étrange alphabet. Chevauchée fantastique sur le fil invisible de l'éternel instant, envolée féerique de couleurs et de sons dansants. Évasion funambulesque d'un monde aux coutumes les plus grotesques. Lorsque fatigué des couplets nauséabonds, des horribles chansons, des marchands de canons, il portera les yeux vers des cieux plus radieux. Un ange l'emportera sous son aile de feu.